Sainte Bible selon saint Jérôme, lecture du livre du Cantique des Cantiques au chapitre 8. Qui me donnera de t'avoir pour frère, suçant les mamelles de ma mère, afin que je te trouve d'or, que je t'embrasse, et que désormais personne ne me méprise. Je te prendrai, et je te conduirai dans la maison de ma mère. Là tu m'instruiras, et je te donnerai une coupe de vin parfumé, et le suc de mes grenades. Sa main gauche est sous ma tête, et de sa droite il m'embrassera. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne troublez pas, n'éveillez pas la bien-aimée, jusqu'à ce qu'elle même le veuille. Jusqu'à ce qu'elle même le veuille. Quelle est celle-ci qui monte du désert, enivrée de délices, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai éveillée sous le pommier, c'est là que ta mère t'a conçue. Là que celle qui t'a donné le jour t'a enfanté. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, et le zèle de l'amour inflexible comme l'enfer. Ces lampes sont des lampes de feu et de flamme. Les grandes eaux n'ont pu éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeront point. Quand un homme donnerait toutes les richesses de sa maison, pour l'amour, il les mépriserait comme un rien. Notre sœur est petite, elle n'a pas de mamelles. Que ferons-nous à notre sœur au jour où il faudra lui parler? Si elle est un mur, bâtissons sur lui des créneaux d'argent. Si elle est une porte, fermons-la avec des ais de cèdre. Je suis un mur, et mes mamelles sont comme une tour, depuis que j'ai paru devant lui, comme ayant trouvé la paix. Le Pacifique a eu une vigne dans celle qui contient des peuples nombreux. Il l'a livrée à des gardiens. Chacun doit rendre 1000 pièces d'argent pour ses fruits. Ma vigne est devant moi. Les 1000 pièces d'argent sont pour toi, ô Pacifique, et il y en a 200 pour ceux qui gardent ses fruits. Ô toi qui habites dans le jardin, nos amis écoutent. Fais-moi entendre ta voix. Fuis, ô bien-aimé, et sois semblable à la gazelle et au faon des cerfs sur les montagnes des aromates. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.